temps. Vous pouvez voir se former les rangs de tous ces gens alignés comme des dents, prêts à tomber, à charger au premier coup de sifflet, à saloper avec leurs pieds l'entrée. Depuis tout ce temps, qui pleut, qui fait froid dedans, des trous béants dans le toit et les fondements, des courants d'air en guise de tout argument qui s'évanouissent dans le métal hurlant. Depuis tout ce temps, une montagne d'excréments a pris forme et nous parle méchamment et doucement, prend le contrôle de tout ce qui est vivant et s'invite partout finalement. Depuis tout ce temps, on prend les armes qu'on nous tend, évidemment on s'en sert comme des glands, se demandant si ce n'est pas un peu du flan, en répétant les erreurs du bon vieux temps. Depuis tout ce temps, qu'on se fait malmener, faudrait pas croire qu'on est habitué. Depuis tout ce temps, et tous ces défilés, ça commence peut-être à nous gonfler. Depuis tout ce temps, les mensonges répétés, va y avoir distribution de fessées. Depuis tout ce temps, à se faire enfiler, la lumière va jaillir et va tout exploser. La mort est une pute et la vie est son mac, n'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque, on s'agit et on mute vers tout ce qui craque. La mort est une pute et la vie est son mac, n'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque, on s'agit et on mute vers tout ce qui craque. Des morts s'invitent en mars dans une version moderne et classe. Mis le geisha au sang de glace, vomisse des vers sur la grande place. Le sol tremble, mais vraiment pas comme d'habitude. Il semble bien plus vivant que dans un tube. Il ne se passe pas un jour sans un défi. Un mur qui tombe, un ciel gris. La prison à ciel ouvert s'agrandit au-delà des mers et de l'ennui. Les géants rient tellement fort qu'on sent leur haleine dans tous les ports. Le lapin blanc est tout pelé, a les yeux rouges, la mer donnée. Supplie Alice de la laisser s'en aller en promettant de ne pas cafeter, car elle est grosse, énorme comme une vache. S'empiffrer, vit dans les taches. Elle est coincée au fond du trou sous la bite du chapelier fou. La mort est une pute et la vie est son mac. N'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on mute vers tout ce qui craque. La mort est une pute et la vie est son mac. N'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on mute vers tout ce qui craque. Il nous reste peu de temps avant de changer de jeu, alors profitons-en des quenelles, nous deux. Ne perdons pas le gland, celui qui nous fait courir. Jetons-le précieusement dans un million de rires. Une comète approche ainsi que trois vents solaires, un pied dans l'atmosphère, une pluie de mie de fer, des oiseaux cornichons, des patates grillons, un gâteau dromadaire, une rose guerrière. Programme initial suit plein de changements. La cinquième version nous annonce que du grand, une base épurée, une matrice toute neuve, un programme simplifié pour tout multiplier. La prise en main est facile, faut surtout pas réfléchir. C'est fait pour les débiles, pas besoin d'être fakir, y'a qu'à se laisser tranquille, faut le faire, pas le dire. Pas d'attente, pas de fil, pas besoin de courir. La mort est une pute et la vie est son mac. Et n'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on mute vers tout ce qui craque. La mort est une pute et la vie est son mac. Et n'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on mute vers tout ce qui craque. La mort est une pute et la vie est son mac. N'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on mute vers tout ce qui craque. La mort est une pute et la vie est son mac. N'importe qui te bute, tu finis dans un sac. La vie est en rut et la mort une arnaque. On s'agite et on bute vers tout ce qui craque.